Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Nécessité d'un créateur. Intervention nécessaire de l'esprit, Louis Racine, nom différent donné au créateur, Dieu, le hasard, la nature. Nous venons de voir que, contrairement aux assertions de Darwin et de son école, aucun être vivant n'a pu naître spontanément de la matière, et qu'il faut forcément admettre l'intervention de l'esprit, d'où la nécessité d'un créateur. Ce créateur se manifeste aux yeux de tous et sous les formes les plus variées par la splendeur et la magnificence de ses œuvres. Louis Racine, La Religion, champ premier, l'a dit. Oui, c'est un Dieu caché que le Dieu qu'il faut croire, mais, tout caché qu'il est, pour révéler sa gloire, quels témoins éclatants devant moi rassemblés, répondez, cieux et mer, et vous, terre, parlez. Sans doute ils ont parlé et ils parlent encore aujourd'hui le même langage, seulement ce langage a été très diversement interprété, d'où les différents noms par lesquels on a désigné le Créateur. Les uns l'ont appelé Dieu, d'autres le hasard, d'autres enfin, la nature. Voyons quelle est la valeur de ces dénominations, et quelle est celle qui mérite de nous fixer. Dieu. Moïse le premier se sert du mot Dieu, comment Ovide l'employait, le Dieu inconnu d'Athènes, Platon à Denis de Syracuse, magnifique développement donné par Bossuet. Ces développements sont d'accord avec la science. Moïse, le premier, désigna le Créateur par le mot Dieu et, depuis lors, le peuple israélite lui a toujours conservé ce nom, avec son caractère d'unité à travers tous les âges. C'est ce que constate, non sans étonnement l'historien Tacite, les Juifs, dit-il, ne reconnaissent qu'un Dieu, ce Dieu est tout-puissant, éternel, il ne saurait ni changer ni mourir. Ovide l'appelait Dieu également, seulement, parmi les divinités de l'Olympe, il n'en voit aucune qui lui paraisse mériter plus qu'une autre de porter ce titre. Aussi se contente-t-il de dire, Dieu, quel qu'il fût. Nous retrouvons, de même, le mot Dieu gravé sur le frontispice d'un temple d'Athènes. Là encore, on ne sait à qui l'appliquer et on en fait publiquement l'aveu, d'où l'inscription célèbre. Au Dieu inconnu, dont saint Paul tira si magnifiquement parti dans sa prédication au milieu de l'Aréopage. Rappelons enfin ce que Platon écrivait à Denis de Syracuse. Remarquez bien ceci, mes lettres sérieuses commencent par ce mot, Dieu, les autres par ceux-ci, les dieux. Il était réservé au christianisme de ramener le mot, Dieu à sa signification originelle, en spécifiant le sens qu'il faut y attacher. C'est ce que Bossuet, ce grand maître dans l'art d'expliquer l'histoire tant sacrée que profane, va nous développer dans ce style qui n'appartient qu'à lui, et dont il a malheureusement emporté le secret. Le Dieu, dit-il, qu'ont toujours servi les Hébreux et les chrétiens, est infiniment au-dessus de ce premier moteur que les philosophes ont connu sans l'adorer, et qui n'était souvent que la raison humaine divinisée. Ce Dieu dont Moïse a raconté les merveilles n'a pas seulement arrangé le monde, il l'a fait tout entier dans sa matière et dans sa forme. Avant qu'il eût donné l'être, rien ne l'avait que lui seul. Il nous est représenté comme celui qui a fait tout de sa parole, à cause qu'il a fait tout par raison et sans peine, et que, pour faire de si grands ouvrages, il ne lui en coûte qu'un mot, c'est-à-dire qu'il ne lui en coûte que de le vouloir. En faisant le monde par sa parole, Dieu montre que rien ne le peine, en le faisant à plusieurs reprises, il fait voir qu'il est le seul maître de sa matière, de son action, de toute son entreprise. Les peuples et les philosophes qui ont cru que la terre mêlée à l'eau, et aidée de la chaleur du soleil, avait produit d'elle-même, par sa propre fécondité, les plantes et les animaux, se sont grossièrement trompés. L'Écriture nous fait entendre que les éléments sont stériles, si la parole de Dieu ne les rend féconds. Ni la terre, ni l'eau, ni l'air, n'auraient jamais eu les plantes ni les animaux que nous voyons, si Dieu, qui en avait fait préparer la matière, ne l'avait encore formée par sa volonté toute puissante, et n'avait donné à chaque chose les semences propres pour se multiplier dans tous les siècles. Mais ce que nous enseigne l'Écriture sur la création de l'univers n'est rien en comparaison de ce qu'elle dit de la création de l'homme. Jusqu'ici Dieu avait tout fait en commandant, mais, quand il s'agit de produire l'homme, Moïse lui fait tenir un nouveau langage, « Faisons l'homme, dit-il, à notre image et ressemblance. » Dieu tient conseil en lui-même, comme pour nous faire voir que l'ouvrage qu'il va entreprendre surpasse tous les ouvrages qu'il avait faits jusqu'alors. Pour former le corps de l'homme, Dieu lui-même prend de la terre, et ces terres, arrangées sous une telle main, reçoit la plus belle figure qui eût encore paru dans le monde. Mais la manière dont il produit l'âme est beaucoup plus merveilleuse, il ne la tire point de la matière, c'est un souffle de vie qui vient de lui-même. Cette âme, dont la vie devait être une imitation de la sienne, qui devait vivre comme lui de raison, qui lui devait être unie en le contemplant et en l'aimant et qui, pour cette raison, était faite à son image, ne pouvait être tirée de la matière. Dieu, en façonnant la matière, peut bien former un beau corps, mais, en quelque sorte qu'il la tourne et retourne, jamais il n'y trouvera son image et sa ressemblance. L'âme faite à son image et qui peut être heureuse en le possédant doit être produite par une nouvelle création, elle doit venir d'en haut, et c'est ce que signifie ce souffle de vie que Dieu tire de sa bouche. Ainsi s'exprime Bossuet. J'ajouterai, pour tout commentaire, que ces magnifiques pages, écrites il y a quelque chose comme 2 siècles, ont reçu des sciences physiques modernes la plus éclatante des consécrations. À ce point de vue, elles pourraient aussi bien être signées Olivier, de Blainville ou Florence. C'est que la vérité n'a pas plus de date qu'elle n'a d'âge, elle est éternelle. Or, qu'a-t-on voulu substituer à cette grande, à cette magnifique idée de Dieu qui résume et comprend tout? Nous venons de le dire, 2 mots vides de sens, le hasard ou la nature. Le hasard. Les atomes crochus d'Épicure et de Lucrèce, une anecdote chez le baron d'Holbach, l'abbé Galliani, la nature pipée, l'école positiviste, le hasard nié par Platon, par Aristote, une tirade de Voltaire. Je doute que le système d'Épicure et de Lucrèce, qui attribue la création du monde à l'effet du hasard, compte aujourd'hui de nombreux adeptes. On croira difficilement aux atomes crochus qui, à force de se joindre et de s'agencer dans une infinité de déclinaisons et de mouvements aveugles, auraient formé tout ce qui existe sous la voûte des cieux et les cieux eux-mêmes. Note. Lucrèce qui, dans ses plus grands écarts, sait embellir tout ce qu'il touche du charme de la poésie, trouve dans l'agitation des corpuscules que traverse un rayon de soleil, et que nous citions comme preuve de l'existence des germes, l'image de cellules de la matière. On les voit, dit-il, changer mille fois de route, frappés de coups imperceptibles qui les rejettent en arrière, les poussent tantôt à droite, tantôt à gauche, de tous côtés, en tous sens, hors ces écarts, ces mille détours, proviennent du choc des atomes. Confer de Rerum Natura, livre 2, 128 à 131. Aussi, pour toute réfutation de ce système, peut-on lui opposer l'anecdote que voici. Dans la société du baron d'Holbach, après un dîner fort assaisonné d'athéisme, Diderot proposa de nommer un « avocat de Dieu », et l'on choisit l'abbé Galiani. Il s'assit et débuta de la sorte. Un jour, à Naples, un homme prit devant nous sidé dans un cornet et paria d'amener rafle de 6, il l'amena du premier coup. Je dis, cette chance est possible. Il l'amena une seconde fois, je dis la même chose. Il remit les dés dans le cornet 3, 4, 5 fois, et toujours rafle de 6. Sangue di Bacco, m'écriai-je, les dés sont pipés, et il l'était. Philosophe, quand je considère l'ordre toujours renaissant de la nature, ses lois immuables, ces révolutions toujours constantes dans une infinie variété, cette chance unique et conservatrice d'un monde tel que nous le voyons, qui revient sans cesse, malgré cent autres milliers de chances de perturbation et de destruction possibles, je m'écris, certes la nature est pipée. Cette saillie aussi originale que juste ne mit pas sans doute les rayeurs du côté de l'athéisme. Oui, mais, depuis que cette anecdote a été produite, l'école de Darwin a pris pied dans la science, affectant des allures doctrinales, dans le but peut-être de masquer le vide de la pensée par la solennité de la forme. On comprend dès lors que l'anecdote relative à l'abbé Galiani pourrait ne pas paraître une réfutation assez sérieuse. Faisons donc intervenir des autorités dont nos adversaires eux-mêmes reconnaîtront la gravité. Platon faisait dire à un de ses interlocuteurs, « Vous jugez que j'ai une âme intelligente, parce que vous apercevez de l'ordre dans mes paroles et dans mes actions. Vous devez juger également, en voyant l'ordre de ce monde, qu'il procède d'une âme souverainement intelligente. » Citation développée par Voltaire in Element Philo de Newton, première partie, de Dieu, chapitre 1. Aristote disait également, c'est une croyance ancienne, transmise par tous des pères aux enfants, que c'est Dieu qui a tout fait et qui conserve tout. Le hasard n'y est pour rien. Voltaire a reproduit cette même pensée d'une manière qui frappe plus vivement peut-être, en ce qu'elle précise davantage les objets, les chaînes de montagnes qui couvrent, dit-il, les deux hémisphères, et plus de 600 fleuves qui coulent jusqu'aux mers, du pied de ces rochers, toutes les rivières qui descendent de ces mêmes réservoirs, et qui grossissent les fleuves après avoir fertilisé les campagnes. Des milliers de fontaines qui partent de la même source et qui abreuvent le genre animal et végétal, tout cela ne paraît pas plus l'effet d'un cas fortuné d'une déclinaison d'atomes que la rétine qui reçoit les rayons de la lumière, le cristallin qui les réfracte, l'enclume, le marteau, l'étrier, le tambour de l'oreille qui reçoit les sons, les routes du sang dans les veines, la systole et la diastole du cœur, ce balancier de la machine qui fait la vie. Enfin, a dit avec infiniment de raison Monsieur Thiers, une intelligence supérieure est saisie, à proportion même de sa supériorité, des beautés de la création. Il ajoute, le général Bonaparte disait un jour à Monge, celui des savants de cette époque qu'il aimait le plus. Tenez, monge, ma religion à moi est bien simple. Je regarde cet univers si vaste, si compliqué, si magnifique, et je me dis qu'il ne peut être l'effet du hasard, mais l'œuvre quelconque d'un être inconnu, tout-puissant, supérieur à l'homme autant que l'univers est supérieur à nos plus belles machines. Or je vous défie tous de me prouver le contraire. Que répondre à d'aussi solides arguments, présentés au nom de la philosophie, de la science et du bon sens? Et qui donc oserait encore prononcer sérieusement le mot de hasard? La nature. Substitution de la nature à Dieu, Sénèque s'en indigne, Silius Italicus n'est pas moins énergique, Cuvier la traite de puéril, Darwin au contraire l'exalte, il en fait une déesse, souvenir d'une fête de gouvernement provisoire. Le mot Dieu consacré par l'usage, le mot nature en est le synonyme, un enterrement civil, royaume des taupes opposé au royaume des cieux. Nous avons dit que le matérialisme a voulu remplacer le mot « Dieu » par le mot « nature ». Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement qu'il a tenté cette substitution, car voici comment s'exprime Sénèque. Qu'est-ce que la nature, si ce n'est Dieu, la raison divine répandue dans l'univers, mortel ingrat? Tu t'abuses quand tu dis, je ne dois rien à Dieu, mais à la nature, car il n'y a point de nature sans Dieu. Appelle-le nature, destin, fortune, qu'importe, ce sont tous noms du même Dieu, qui manifeste diversement sa puissance. Silius Italicus a dit également, hélas, la première cause des crimes des mortels insensés, c'est d'avoir méconnu que la nature, c'est Dieu. On répondra peut-être que Sénèque était un philosophe et Silius Italicus un poète, que, par conséquent, leur autorité en fait de science est nulle. Soit. Et cependant ce n'est pas ici de la science abstraite, c'est de la science à la portée de tous. Donnons donc la parole à Cuvier. On ne lui reprochera pas, à celui-là, de ne pas être un savant, car c'est sans contredit le plus grand naturaliste des temps modernes et, on peut le dire, des temps anciens, sans même en excepter Aristote. Voici donc comment il s'exprime. Par une de ces figures pour lesquelles toutes les langues ont eu un certain faible, la nature a été personnifiée. Les êtres vivants ont été appelés les œuvres de la nature. En considérant ainsi la nature comme un être doué d'intelligence et de volonté, on a pu dire qu'elle veille sans cesse au maintien de ses œuvres, qu'elle ne fait rien en vain, qu'elle agit par les voies les plus simples, etc. On voit combien sont puérils les philosophes qui ont donné à la nature une espèce inexistence individuelle, distincte du Créateur, des lois qu'il a imposées au mouvement, des propriétés ou des formes données par lui aux créatures. Le maître a parlé, et parlé dans des termes qui ne sauraient prêter à l'équivoque. Darwin ne se plaindra pas, j'espère, que je lui oppose des autorités peu dignes de lui. Et pourtant qui sait? Son école le proclame bien les mules de Cuvier. Au besoin elle mettra son livre sur l'origine des espèces au-dessus du discours sur les révolutions du globe. Il est vrai qu'on rencontre des gens qui préfèrent l'Énéide travestie de Scarron à la sublime épopée de Virgile. Mais enfin laissons parler Darwin lui-même, puisque c'est lui qui est en cause. J'extrais, un peu au hasard, le passage suivant de son livre. La nature, dit-il, ne s'inquiète point des apparences, sauf dans les cas où elles sont de quelque utilité pour les êtres vivants. Elle peut agir sur chaque organe interne, sur la moindre différence organique ou sur le mécanisme vital tout entier. L'homme ne choisit qu'en vue de son propre avantage, et la nature seulement en vue du bien de l'être dont elle prend le soin. Les caprices de l'homme sont si changeants, sa vie si courte, comment ses productions ne seraient-elles pas imparfaites, en comparaison de celles que la nature peut perfectionner pendant des périodes géologiques tout entières. Ne dirait-on pas que Darwin a voulu se donner l'étrange plaisir de prendre le contre-pied et de faire la contrepartie de tout ce qu'a dit et fait Cuvier? Car enfin Dame Nature représente bien ici une déesse de l'antique Olympe, il est à regretter seulement qu'il ne nous ait pas renseigné davantage sur son individualité. Serait-ce par hasard la même que j'ai vue, en 1848, figurée au Champ de Mars dans la grande fête donnée par le gouvernement provisoire en l'honneur de l'agriculture? La déesse en question était bien réellement, d'après le programme, l'emblème de la nature, dans sa signification la plus haute. Elle se tenait majestueusement assise sur une espèce de trône, dressée au milieu d'un char symbolique, que traînaient des bœufs aux cornes dorées. Seulement, au lieu d'une seule divinité, elle en représentait trois. C'était, l'abondance, reconnaissable, à ses puissantes mamelles, Bacchus, à ses airs avinés, Vénus, à ses regards lascifs et provocateurs. C'est que, prononçons le mot bien bas, on était allé chercher la déesse dans un lupanar. Mais quittons les fictions mythologiques pour revenir au point où nous avions laissé la discussion sur le mot nature. Nous disions donc que Cuvier qualifie de puérile cette prétention de vouloir substituer sans cesse le mot « nature » au mot « Dieu ». Tout esprit sensé sera de son avis. C'est comme si, dans un débat juridique, on affectait de dire « le code » à l'exclusion du mot législateur, mais est-ce que, si vous n'aviez pas eu de législateur, vous auriez eu un code? Laissons donc de côté ces subtilités et ces arguties indignes d'un débat sérieux. Ce sont des mots et des phrases, mais rien de plus. Lorsque l'astronome dit que le soleil se lève, ou qu'il se couche, croyez-vous donc qu'il ignore que ces phénomènes ne sont pas le fait de l'astre du jour, mais qu'ils sont dus au mouvement giratoire que notre planète accomplit toutes les 24 heures sur son axe? Il sait tout cela mieux que personne, mais il préfère se conformer, à l'usage, ce grand arbitre, dit Horace, de la manière dont il convient de s'exprimer. De même, puisque l'usage, d'accord en cela avec la raison et la logique, a consacré le mot Dieu pour désigner le Créateur de toutes choses, vous pouvez prononcer ce mot sans crainte aucune de vous compromettre aux yeux des alliés et des matérialistes. Moi, qui ne suis ni matérialiste ni athée, je prononce bien le mot « nature ». À titre de synonyme, faites comme moi, ou plutôt faites comme tout le monde, parlez la langue que la science a toujours parlé. D'ailleurs soyez tranquille, il arrivera à un moment inévitable, inéluctabile et tempus, où vous aurez le moyen de tout réparer car, comme le dit encore le poète, nous devons à la mort et nouer ce qui est à nous. Demandez alors, comme consécration suprême de vos opinions darwinistes, à être enterré civilement. Un enterrement civil, voilà aujourd'hui la grande recette pour obtenir la faveur et au besoin les ovations du populaire. Note. Ainsi s'explique l'espèce d'apothéose faite à Michelet. Or, notez que ce qu'on applaudissait en lui, ce n'était pas l'écrivain éloquent de plusieurs belles pages de notre histoire, Mais l'auteur licencieux est ramolli de ses créations fantasques, parfois même burlesques, qui ont pour titre l'insecte, l'oiseau, la femme, et dont personne ne se souvient aujourd'hui. Fin de la note. Cela se comprend. Cet hommage à la matière, et à la matière putréfiée, qu'est-ce donc, sinon un signe des temps et une sorte d'emblème de la dégradation de certains esprits? Faites-vous donc enterrer civilement, vous vous montrerez de la sorte conséquent avec vous-même, vous aurez de plus la satisfaction posthume, en confiant ainsi directement votre dépouille à la terre, d'opposer, par un piquant contraste, le royaume des taupes au royaume des cieux. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.